بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا بكم جميعا يا أيها الإخوة والأخوات auditeurs et auditrices qui nous suivent sur la radio Bilal Al-Kini en collaboration avec le comité le collectif d'adeptes de la Sunna de la ville de Montpellier للعلم والرحمة pour le savoir et la miséricorde فمرحبا بكم جميعا. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette assise qui se veut être une reprise après une pause de plusieurs semaines de par des séminaires qui ont été organisés par nos nobles frères de la ville de Montpellier avec de nobles prédicateurs parmi nos aînés dans la prédication qu'Allah les préserve et les récompense en bien pour leurs diligents efforts dans l'enseignement de l'islam. Et donc, nous allons reprendre aujourd'hui avec une révision, c'est-à-dire qu'on va faire un résumé de l'essentiel de ce qui est à retenir parmi les points essentiels à retenir de nos cours qui ont eu lieu précédemment dans les semaines qui ont précédé dans la traduction des explications du noble savant le défunt Cheikh Ubayd ibn Abdillah al-Jabiri rahimahullah dans ses explications qu'il a octroyées à la communauté musulmane dans la compréhension des trois principes fondamentaux l'épître Thalathatul Usul de Cheikh al-Islam Mohammed al-Tamimi, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Donc, pour rappel, cette assise que nous faisons est une assise concernant al-aqid, al-i'tiqad, c'est-à-dire concernant le dogme, la croyance du musulman. Et la croyance du musulman, ceci yani, fait référence à ce en quoi croit le musulman, c'est-à-dire ce en quoi il croit fermement sans que cette croyance ne soit affectée par le doute, l'hésitation ou la remise en question. Et concernant le dogme, autour de quoi ça tourne, les sujets fondamentaux et essentiels du dogme sont ce qu'on appelle les six piliers de la foi. C'est-à-dire que l'essentiel de ce qui est abordé lorsque l'on parle du dogme musulman, du credo musulman, ça tourne autour des six piliers de la foi, qui sont premièrement la foi en Allah, la foi en ses anges, la foi en ses livres, la foi en ses messagers, la foi au jour dernier et la foi au destin, que ce destin soit bon ou mauvais. Non. Parmi les points que l'on avait abordés dans les assises précédentes, j'avais mentionné certains points relatifs à l'importance du dogme, c'est-à-dire l'importance et la noblesse qu'a l'apprentissage de la science de la croyance. Et j'avais extrait ces points-là d'un des livres de mon cheikh, d'un de mes chouyours, le noble Abu Abdillah, Cheikh Khalid ibn Tahwi al-Zafiri, hafadahullah, dans son livre Azim al-Minna, qui est un livre dans lequel il avait compilé 12 livres de croyances des pieux prédécesseurs de cette communauté, agrémentés de fatawa d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et dans son introduction, donc, il avait mentionné certains bénéfices, yani relatifs à l'apprentissage de la aqida, ce qui nous donnera un aperçu bref et concis concernant l'importance de s'éduquer dans la connaissance du dogme. Parmi les points qu'il avait mentionnés, c'est que le principal sujet de la science du tawhid, c'est Allah. Donc ça fait de cette science-là la plus noble des sciences. Car comme les ulémas ont expliqué, la science tire sa noblesse, ou sa noblesse sera en proportion de la noblesse de ce qui est son sujet. C'est-à-dire que plus le sujet d'une science est noble, plus cette science en elle-même, qui se focalise sur ce sujet, sera elle-même noble. Quelle science pourrait être plus noble qu'une science qui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala? La science concernant la connaissance du tawhid, de l'unicité d'Allah azza wa jal. Non. Également, parmi les points importants relatifs à la croyance authentique, c'est que ça va être une cause qui va permettre au serviteur de se prémunir de tomber dans ce qui anéantirait son tawhid ou l'amenuit. C'est-à-dire que, de par sa connaissance du tawhid et de sa concrétisation et des moyens de concrétiser sa préservation, la personne qui aura étudié le tawhid fera en sorte de ne jamais anéantir son tawhid par le shirk al-akbar, par le polythéisme majeur. Et ça, c'est une notion importante à comprendre. C'est-à-dire que dans l'éducation du musulman qui est sur la sunna, il apprend le bien pour l'accomplir, mais il connaît également le mal pour s'en prémunir et s'en écarter. Car il y a des choses qui amoindrissent le tawhid, c'est-à-dire qui affectent la foi, qui affectent la concrétisation du tawhid du serviteur et qui le mettent en danger. Mais il reste musulman, mais il y a des éléments parmi les croyances, les paroles et les actes qui, s'ils viendraient à être accomplis, anéantiraient le tawhid du serviteur et le rendraient sujet. S'il venait à mourir sans s'en être repenti au préalable, le rendraient sujet au courroux d'Allah et à sa sentence éternelle, c'est-à-dire une sentence qui serait la résidence éternelle dans l'enfer duquel il ne sortirait jamais. Donc on voit que c'est très important d'étudier le tawhid et de connaître son élément qui lui est antagoniste, à savoir le shirk. Également, donc, ça fait partie des points que le cheikh avait mentionné, que la croyance authentique, le fait de concrétiser la bonne croyance, est une cause empêchant la résidence éternelle en enfer. Et elle est une cause d'absolution des fautes, ainsi que de l'élévation en degré. Également, elle est une cause de préservation contre l'innovation, c'est-à-dire ce qui a été innové dans la religion d'Allah, mais qui n'en fait pas partie initialement. Ceci est une cause de préservation du fait d'emprunter la voie des innovateurs. Et également, la croyance authentique est une protection, une forteresse pour le serviteur contre les ambiguïtés et les désirs illicites. Non. Parmi les points importants qu'on a mentionnés dans les cours précédents, c'est une autre faïda également de notre noble cheikh Khalid al-Dhafiri, dans laquelle il avait mentionné les deux types de livres de croyance. C'est-à-dire qu'il y a deux méthodologies dans les livres de croyance. Il y a ce qu'on appelle les livres dans lesquels il y a Iqra, et les livres dans ce qu'on appelle, il y en a ce qu'on appelle les livres de Rudud. La première catégorie, ce sont des livres qui ont pour objectif de présenter le dogme, c'est-à-dire présenter de façon simple, éclairée et simple et concise, ou de façon détaillée, mais de façon présentative. C'est-à-dire, c'est une présentation du dogme. Qu'est-ce que la foi du musulman, en quoi les musulmans doivent croire? Donc, ce sont des ouvrages qui ont pour but de présenter la foi. Ensuite, il y a la deuxième catégorie. C'est une catégorie qu'on appelle Kutub al-Rudud, les livres de réfutation. Les livres de réfutation, qu'est-ce que c'est? Ce sont des livres qui se divisent en trois sous-catégories. Ce sont des livres de réfutation, premièrement dans la première catégorie, des livres de réfutation dans le but de réfuter une innovation en particulier. Deuxième sous-catégorie que l'on avait mentionnée, les livres de réfutation qui sont écrits dans le but de réfuter un groupe particulier, une secte, une faction égarée en particulier. Troisième sous-catégorie, la catégorie de livres d'Urdu qui sont des livres écrits dans le but de réfuter un innovateur particulier. Non. Ensuite, parmi les points importants sur lesquels je rappelle Yannick, nos frères et nos sœurs qui nous suivent, c'est qu'est-ce qu'il faut noter dans les assises de sciences. Car on a souvent deux extrêmes que l'on retrouve dans les assises et rarement on constate un juste milieu. Ila man arhima rabbo. C'est-à-dire que des fois on voit certaines personnes qui essaient de tout noter, mais ça devient fastidieux et elles finissent par lâcher prise. Et il y a certaines personnes, elles s'assoient au cours et elles croisent les bras et elle attend, elle écoute. Et ceci est une négligence également, à moins que la personne soit dotée d'une mémorisation hors du commun. Ça, ce serait un cas qui l'exclurait de ce que je vais mentionner. Parmi ce que les gens de science recommandent en termes de mémorisation, oh pardon, en termes de prise de notes, excusez-moi, c'est le fait de noter at-ta'rifat, de noter les définitions. La définition du tawhid, la définition du shirk, la définition de l'hypocrisie, et ainsi de suite. Ensuite, la deuxième chose parmi les éléments importants qu'on avait mentionné qu'il fallait noter, essayer de noter, c'était at-taqsimat, les catégorisations. Par exemple, le tawhid se divise en trois ou en deux. Le shirk se divise en deux. L'hypocrisie se divise en deux, par exemple. La mécréance se divise en deux. Ça, ce sont des taqsimat, des catégorisations, ou des subdivisions, si vous voulez. Ensuite, également, parmi ce qui va aider à comprendre les taqsimat, les catégorisations, c'est des fois de comprendre ce qu'on appelle les furuq, les éléments distinctifs. C'est-à-dire, par exemple, si on dit que le shirk se divise en deux, le shirk akbar et asghar, taïb, ça c'est une catégorisation. Les deux catégories de shirk, le majeur et le mineur. Taïb, maintenant, comment on les distingue? Ça c'est la troisième catégorie d'éléments impératifs à noter. C'est ce qu'on appelle les furuq, les éléments distinctifs. C'est-à-dire, donc, qu'est-ce qui va distinguer le shirk akbar du shirk asghar, par exemple. Ensuite, parmi les éléments qu'il est important de noter, les dawabit ou le qawaid. Les dawabit, ce sont les règles à petite portée, c'est-à-dire des règles qui s'appliquent dans un domaine ou quelques domaines restreints et spécifiques de la religion. Les qawaid, ce sont des règles à grande portée. Ce sont des règles à grande portée qui s'applique dans de nombreux domaines et qui concerne de nombreux sujets de la religion. Parmi les éléments importants qu'on avait mentionnés dans nos cours, on avait mentionné que l'ouvrage que l'on étudie dans l'assise du lundi, c'est le livre Thalathat al-Usul, qui est un livre qui a pour but d'expliquer, de clarifier les trois sujets primordiaux de la science de l'islam. C'est-à-dire deux, trois sujets essentiels à maîtriser dans l'islam. Car le musulman sait qu'il sera testé dans sa tombe, dans l'au-delà, par les anges à ce propos, concernant qui est son Seigneur, quelle est sa religion et qui est son prophète. Donc il se doit de connaître Allah, de connaître sa religion, c'est-à-dire la religion de l'islam, et de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été le transmetteur de cette religion, à travers lequel Allah nous a fait connaître sa personne, et à travers lequel Allah nous a fait connaître la religion de l'islam, c'est-à-dire à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a transmis le Coran et la Sunna, alayhi salatu wa sallam. Et donc le livre, Les Trois Fondements, a été écrit par le cheikh l'islam, Mohammed Ibn Abdel Wahhab Ibn Suleyman Ibn Ali At-Tamimi, rahimahullah, qui est né en 1115 de l'Égypte et qui est mort en 1206. Pour information, nous sommes en 1445. Nous sommes en 1445. Donc il est mort il y a un peu plus de 200 ans. Rahimahullah. Ensuite, l'explication que l'on a commencé il y a de cela plusieurs semaines, c'est l'explication du cheikh, du noble cheikh qui est décédé il y a de cela peu, rahimahullah rahmatan wasi'a, le cheikh Ubayd ibn Abdillah ibn Suleyman ibn Ali al-Jabiri al-Hamdani, qui est né en 1357 de l'Égypte et qui est mort en l'an 1444, c'est-à-dire l'année dernière, selon le calendrier égyptien. Rahimahullah rahmatan wasi'a. À présent, nous allons essayer de résumer certains éléments essentiels que l'on avait vus dans le début de l'épître. La muqaddimah, c'est-à-dire l'introduction de l'épître, peut être subdivisée en trois paragraphes. Le premier paragraphe tourne autour de quatre points. Le premier point étant le fait d'apprendre. Le fait d'apprendre. Car justement, cher l'islam avait dit « I'alam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'alamu arba'i masail » Sache qu'Allah te fasse miséricorde qu'il nous incombe à tous, c'est-à-dire à tout à chacun de nous, d'apprendre quatre choses. La première, c'est la science. Et c'est, ceci consiste dans la connaissance d'Allah, de son prophète, et de la religion de l'islam avec les preuves. Le deuxième point, c'était la mise en application. Le troisième point, c'était le fait d'y appeler. C'est-à-dire d'appeler à cette science bénéfique de la religion que tu as acquise et que tu as mis en pratique. Tu dois y appeler et tu dois ensuite, quatrième point, faire preuve de patience dans cette transmission, dans cet appel à la vérité. Parmi les fawaïd que l'on avait tirés, c'est le fait que l'auteur, rahimallah, a dit « I'lam, rahimakallah ». Donc il a donné un ordre, « Sache ». Et ensuite il a invoqué. Parmi les enseignements que l'on avait tirés de ce passage-là, c'était le fait de commencer ce genre de livre par ce genre de méthode, c'était une manière d'attirer l'attention, de capter l'attention de la personne à qui on s'adresse. Et le fait d'invoquer, c'était une méthodologie également dans le prêche. Lorsque l'on veut donner un bon conseil à quelqu'un, commencer par l'invocation, comme Cheikhouna Cheikh Khaled Adhafir l'avait mentionné, c'est quelque chose qui fait que ça ouvre le cœur des gens. Une personne est plus réceptive à ton message si tu commences par une invocation en sa faveur que par autre chose. Ensuite, parmi les points importants qu'on avait notés, c'était la définition du ilm, la définition du savoir. Dans la linguistique, Cheikh Ubayd al-Jabiri a dit « didul jahl », c'est-à-dire que c'est le contraire de l'ignorance. C'est le contraire de l'ignorance. « Wa huwa idraku haqiqati shay'in 'ala ma hiya 'alayhi idrakan jazima », c'est-à-dire que ceci consiste à la perception de la réalité d'une chose conforme à ce qu'elle est, d'une perception catégorique. C'est-à-dire concevoir et percevoir une chose selon comment elle est dans sa réalité, et cette perception est certaine. Elle n'est pas sujette au doute ou à l'hésitation. Et donc, c'est la connaissance d'Allah. Dans la religion, la science, c'est la connaissance d'Allah, de sa religion et de son prophète. Concernant la connaissance d'Allah, on avait vu que Cheikh Ubayd al-Jabiri avait dit que c'était donc la foi en Allah, et que ça englobait quatre points. Le premier point, c'est la foi dans son existence. Al-imanu bi wujudi. Deuxièmement, al-imanu bi rububiyyati. La foi quant à sa seigneurie souveraine. Pour rappel, la seigneurie souveraine, on l'avait définie avec une définition de Cheikh Ubayd al-Jabri dans son explication des quatre règles, dans laquelle il avait dit: et l'unicité dans la seigneurie est le fait d'unifier Allah dans ses actes, tels que la création, le don de la subsistance, c'est-à-dire le fait de donner ce dont ont besoin les créatures, la royauté absolue, la gérance, le fait de donner la vie ainsi que la mort, et autre que cela parmi ce qui fait partie de ses actes et qui lui sont propres, subhanahu wa ta'ala. Donc, les quatre points qu'englobe la foi en Allah. La foi en Allah implique la foi en son existence, la foi dans sa seigneurie souveraine, la foi dans son droit exclusif d'être adoré, la foi dans son unicité quant à ses noms et ses attributs. Azzawajal. Ensuite, concernant la reconnaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait d'avoir la foi vis-à-vis du fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Et là, Cheikh Ubayd al-Jabri avait donné une fa'ida muhimma. Il avait donné un principe important. C'était wal aslu fil ibadat al man'u illa bin nas. C'est-à-dire que la base concernant les adorations, c'est l'abstention, c'est-à-dire qu'on s'abstient d'agir illa bin nas, sauf si on avait un texte. C'est-à-dire que si tu veux faire une quelconque adoration parmi les adorations qui existent en islam, tu dois avoir une preuve. Intabehu. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a une distinction entre deux choses. Il y a une différence entre dire à quelqu'un qu'il doit œuvrer sur le dalil, c'est-à-dire qu'il doit œuvrer en conformité avec une preuve venant de la législation islamique. Ça, c'est une chose. Mais il n'est pas exigé du musulman de mémoriser les hadiths. C'est-à-dire que la personne qui fait la prière, elle n'a pas à mémoriser tous les hadiths et tous les versets qui légitiment ce qu'il fait dans la prière. Il n'a pas à mémoriser les hadiths. Cheikh Saleh Ali Cheikh, hafadahullah, avait dit ce qui est requis du musulman, c'est d'œuvrer par le dalil, c'est-à-dire d'œuvrer en conformité avec les preuves. Mais retenir les preuves, c'est encore autre chose. Retenir, mémoriser les hadiths et les hadillahs, les versets du Coran, concernant les actes d'adoration, ça c'est quelque chose de surrogatoire. Taïb. Parmi les éléments importants que Cheikh Ubayd al-Jabri avait mentionné, c'est que la dévotion religieuse, tadayyun, et le rapprochement avec Allah, taqarrub, et l'adoration d'Allah, ta'abbud lillah, ne peut être accompli que si ce n'est par un texte authentique et explicite. Non. Et il avait mentionné une narration de l'imam des croyants, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qui nous prouve que la base référentielle dans la religion, c'est la révélation. C'est pas la raison des êtres humains. C'est pas la raison des êtres humains. En effet, Cheikh Ubayd al-Jabri, rahimahullah, avait mentionné la narration de Ali ibn Abi Talib, que vous pouvez retrouver dans Kitab Tahara de Sunan Abi Daoud, dans le chapitre sur le comment de l'accomplissement de l'essuie sur les chaussons. Il avait mentionné que si la religion était basée sur l'opinion, alors le dessous du chausson serait plus en droit d'être essuyé que le dessus. Comme vous le savez, il est légiféré d'essuyer sur les chaussons lorsque l'on fait le wudu. Non. Et ceci a des règles que vous étudierez dans notre cours, Inch'Allah, concernant le fiqh, qui aura lieu mercredi. Ce mercredi, on n'abordera pas ça, on fera une révision comme ce que l'on fait à présent, mais ce sera abordé, Inch'Allah, dans les assises à venir, bi'idhnillahi azawajal, si Allah nous prête vie. Parmi les points importants qu'on avait vus, la parole de l'imam Malik, rahimahullah, dans laquelle il avait mentionné, comme l'imam al-Zahabi le rapporte dans son livre Siyar Alam Nubala, c'est-à-dire que l'imam Malik disait après son cours, parmi les paroles, il y en a qui sont acceptées et d'autres rejetées, exception faite concernant la parole de l'occupant de cette tombe, faisant référence ici au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les points importants qu'on avait vus, le fait que les gens de la sunna ont deux balances, c'est-à-dire deux critères distincts, décisifs, avec lesquels ou par rapport auxquels ils acceptent ou rejettent les actes et les paroles des gens. C'est-à-dire que la personne qui accomplit un acte, ou qui dit un propos, qui tient un propos, qui est conforme à ces deux éléments, ces deux critères décisionnels, ces deux critères décisifs, alors on accepte son acte, on accepte sa parole. Mais quant à la personne qui viendrait à contredire ces deux éléments, alors on rejette son acte et on rejette sa parole, qui qu'il soit. C'est-à-dire, les deux éléments sont an-nas wal ijma'. An-nas, c'est un terme qui fait référence ici, dans ce contexte-là, au Coran et à la sunna. Et al-ijma, c'est l'unanimité des ulémas. Et j'avais rapporté une faïda concernant la définition d'al-ijma, qui est une définition d'al-ijma que Cheikh Obeid al-Jabiri a mentionnée dans son explication de la risala de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sur l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Et sa définition, donc, c'est l'unanimité des savants, capables de l'effort d'interprétation, qui survient après le décès du messager d'Allah, durant une époque quelconque, concernant une affaire de la législation. C'est ça l'ijma. L'unanimité des ulémas, capables de l'effort d'interprétation, et cette unanimité survient après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant une affaire de la législation islamique. Ensuite, Cheikh Obeid al-Jabri, parmi les éléments importants qui est à retenir parmi ce que l'on a abordé dans les cours, sachant que peut-être ce que je dis, ça va un peu vite pour peut-être certains d'entre vous, mais sachez que ce que je mentionne a été mentionné en détail avec des explications en plus dans les cours précédents. Ce que je fais, c'est un bref récapitulatif afin de se rafraîchir la mémoire et de réviser. Car comme un des élèves de Cheikh Al-Fawzan, yani Abu Ismail Mustafa George Debery, disait, Muraja'atul 'ilm hayatul 'ilm. C'est-à-dire que yani, dans le fait de réviser le savoir, il y a en cela la vie du savoir. Et donc, parmi les éléments essentiels et importants à retenir, le fait que Cheikh Obeid al-Jabri avait mentionné les deux conditions de validité des œuvres, qui sont la concrétisation de la sincérité envers Allah dans le culte, c'est-à-dire adorer Allah uniquement et chercher à satisfaire Allah Azzawajal uniquement par l'accomplissement de cet acte d'adoration, et deuxièmement, le fait d'accomplir cet acte d'adoration en conformité à la pratique du prophète alayhi salatu wa salam. Ensuite, donc ça c'était concernant le premier point du paragraphe. Comme le premier paragraphe, je vous avais mentionné, était autour de quatre points. La science, la mise en application, le prêche et le fait de patienter. Donc ça, tout ce qu'on a abordé, c'est autour de ce premier point, la science. Ensuite, Cheikh Obeid al-Jabri a abordé concernant la mise en application. Et parmi les éléments notables et qu'il est important de retenir, c'est la méthodologie des Sahaba. Notamment ce qui a été transmis par Abdullah ibn Mas'ud, qui, comme on l'avait mentionné, il me semble, a mémorisé près ou plus de 70 sourates du Coran al-Karim directement de la bouche du messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait justement, décrivant ainsi la méthodologie des Sahaba quant à leur apprentissage et leur étude du Coran avec le messager d'Allah, il disait, nous ne dépassions pas 10 versets que nous apprenions de la bouche du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et tant que nous n'en ayons pas appris l'essence et que nous ne les ayons mis en application. Et il disait alors, nous apprenions la science et la pratique ensemble. C'est-à-dire qu'ils apprenaient les deux. Donc ça, c'est la méthodologie des Sahaba. Ils apprenaient 10 versets, étudiaient l'essence de ces versets, puis mettaient en pratique ce que comprennent, yani ce que contiennent ces enseignements, comme enseignement, ces versets-là. Car comme vous le savez tous, barakallahu fikum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit, Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, comme il est rapporté dans le Sahih de l'Imam al-Bukhari, c'est-à-dire que le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné, c'est vrai, mais l'apprentissage du Coran implique une connaissance et une mise en application, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est également celui qui a dit, Al-Qur'an hujjatun laka aw 'alayk. C'est-à-dire que le Coran est une preuve en ta faveur ou en ta défaveur. Non. Ensuite, parmi les passages importants que l'on avait vus, et là c'est j'aborde le troisième point concernant la da'wa, Cheikh Obeid al-Jabri, rahimahullah ta'ala, dans le sujet de la prédication, avait mentionné neuf caractéristiques essentielles que doit avoir le prédicateur. Et ce n'est pas une liste qui se prétend exhaustive, c'est-à-dire que ce que l'on va mentionner, ces neuf caractéristiques, ce ne sont pas les seules et uniques caractéristiques que doit y en y concrétiser en lui-même et qui doivent être présentes chez celui qui souhaite appeler à Allah. Ça doit être des choses qui font partie de lui, mais il y a d'autres éléments, donc ce n'est pas une liste qui se prétend être une liste complète. Donc, premier point, le fait qu'il soit diligent quant à la guidance des gens, c'est-à-dire qu'il désire pour eux la guidance et il désire ardemment leur transmettre la religion d'Allah. Deuxième élément, le fait qu'il fasse preuve de douceur. Et car on avait vu que dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que la douceur n'était pas présente dans une chose sans que cela soit un embellissement pour elle, et qu'elle n'est pas enlevée d'une chose sans que ceci soit une cause d'enlaidissement pour elle. Taï. Troisième élément, la sagesse. Et on avait vu trois définitions de la sagesse. La première, c'est celle de Cheikh Obeid. Cheikh Obeid al-Jabiri rahimahullah avait dit « Wad'u shi fi mawdi'i », c'est-à-dire mettre chaque chose à sa place. On avait vu une définition de Cheikh Mohammed Aman al-Jami également, qui avait dit wad'u l-lini fi mawdi'ihi wa wad'u shiddati fi mawdi'iha. C'est-à-dire le fait de mettre la douceur, mettre la douceur à sa place et mettre la dureté à sa place, à sa juste place. C'est-à-dire la place qui lui sied, qui convient. Ensuite, la troisième définition, qui est une des meilleures définitions transmises par les gens de science, c'est la définition de Cheikh al-Islam al-Qayyim, dans laquelle il avait expliqué que la sagesse revient à accomplir l'acte approprié, c'est-à-dire l'acte qui convient, de la manière appropriée, c'est-à-dire de la manière qui convient, au moment approprié. Donc c'est l'acte approprié, accompli de la manière appropriée, au moment approprié. Non. Ensuite, parmi les caractéristiques du prédicateur, la sixième, excusez-moi, j'en ai sauté, il me semble. Non. Troisièmement, la sagesse. Donc la sagesse, on l'a définie. Quatrièmement, la bonne exhortation, al-mu'adatul hasana. Et ça consistait entre, yani dans le fait de trouver un juste milieu, dans l'incitation et la dissuasion. C'est-à-dire en employant ces deux procédés de la manière qui convient. L'incitation, at-targhib, le fait d'inciter, de motiver, d'encourager quant à l'accomplissement des actes d'obéissance. Et la dissuasion, c'est-à-dire la dissuasion quant au fait de se livrer à des actes de désobéissance, le fait de dissuader la personne, c'est-à-dire la persuader de délaisser cet accomplissement, par le fait de lui mentionner les textes relatifs à la menace. Donc le bon rappel va être un juste milieu entre ces deux-là. Non. Ensuite, le cinquième point, le fait qu'il accomplisse le débat de la meilleure des manières. Et ceci, c'est dans le cas où la personne est compétente, apte à le faire, et qu'il débat avec une personne qui cherche la vérité, qui a besoin d'un débat afin de lui clarifier certaines mécompréhensions, méconceptions quant à la compréhension de la religion de l'islam. Ce n'est pas un débat stérile. Non. Ce n'est pas un débat stérile. Non. Sixièmement, le fait d'avoir du savoir. C'est-à-dire que le prédicateur doit avoir de la connaissance. Et ça renvoie, Cheikh Ubayd al-Jabri avait dit « Ilmuhu bil ma'murat wal manhiyat ». C'est-à-dire que ça renvoyait à la connaissance qu'il a des ordres et des interdits de l'islam. Septièmement, le septième élément, le fait de clarifier la vérité aux gens et de les inciter à l'égard de la vérité avec les preuves, mais également de leur clarifier le faux et de les mettre en garde, c'est-à-dire de mettre en garde les gens à son encontre avec les preuves. Ensuite, huitièmement, que le prédicateur ne laisse pas son âme être consumée par le regret concernant celui qui aura rejeté la guidance d'Allah. Car ceci est une chose qu'Allah Azzawajal a interdit à son prophète alayhi salatu wasalam. Et comme vous le savez, barakallahu fikum, et ça c'est un point important que beaucoup de ulama mentionnent dans leur livre de Aqidah, c'est que la guidance est de deux. Hidayatul irshad wa hidayatul at-tawfiq. C'est-à-dire la guidance d'orientation, qui est le fait de présenter la vérité aux gens, et cette guidance-là est détenue par les gens de science, les étudiants en science, les ulama, les prédicateurs, les prophètes avant eux, alayhim salatu wasalam. Et donc, c'est le fait de clarifier la vérité aux gens, de les appeler à la vérité. Ensuite, il y a hidayat al-tawfiq, et celle-là n'est détenue que par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait que la personne soit guidée vers le fait que vers le fait d'accepter. C'est-à-dire le fait que son cœur, après que l'exposé de la vérité lui soit fait, accepte la vérité et se mette donc à agir en conformité avec la vérité. Après, c'est Allah qui guide donc de cette guidance bien particulière et qui accorde le raffermissement sur cette guidance-là, qui permettra au serviteur de mourir sur cette guidance-là lors de son décès. Ensuite, le neuvième point, le fait que le prédicateur soit un rempart à l'encontre des ambiguïtés. C'est-à-dire le fait que le prédicateur se doit de couper court et d'être un rempart et d'être un obstacle, une entrave quant aux ambiguïtés des gens du faux et des gens qui suivent leur passion. Et donc il se doit de les réfuter avec force. Non. Et Cheikh Ubayd al-Jabri avait mentionné des exemples que l'on a mentionnés dans les cours précédents mais dont on ne réitérera pas la mention ici par but de concision. Barakallahu fikoum. Le quatrième point, c'est concernant la patience face aux répercussions dans cela. C'est-à-dire le fait de faire preuve d'endurance et de patience face aux répercussions qui découleront de cet appel à la vérité. Et Cheikh Ubayd al-Jabri, rahimahullah, avait dans cet aspect-là mentionné un point important, c'est que l'adepte de la vérité, et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait appliquer concernant le prédicateur comme concernant l'adepte de la sunna de façon générale, il n'est pas affecté par le grand nombre ni par le petit nombre. C'est-à-dire que les gens de science ont expliqué cela, notamment dans leurs explications du Kitab al-Tawhid, c'est que le grand nombre n'est pas une preuve de la vérité. Car on voit que de façon générale, les gens de la sunna, les gens de la vérité, sont des gens qui sont en minorité, qui sont en marge. Donc le fait d'être avec un grand nombre n'est pas une preuve. Et ceci a été notamment mentionné par Cheikh al-Islam al-Qayyim. En effet, dans Madarij al-Salikin, il avait expliqué que les gens de l'islam, par rapport aux gens de la dunya, c'est-à-dire les kuffars, sont des ghuraba, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont des étrangers, qui sont en marge. Et les gens de la sunna parmi les gens de l'islam sont des ghuraba, c'est-à-dire sont des étrangers, des gens qui sont comme en marge, en minorité. Et que les gens de science parmi les gens de la sunna sont des ghuraba. Donc le fait d'avoir le grand nombre avec soi n'est pas en soi une preuve du fait qu'on est sur la vérité. Ce qui prouve que tu es sur la vérité, c'est ta conformité dans ta croyance, dans tes propos, dans tes actes, à la révélation d'Allah. Quand bien même tu as peu de gens avec toi ou que vous êtes nombreux. Après, si vous êtes sur la vérité et que vous êtes en grand nombre sur la vérité, alors le grand nombre contribue à donner de la force aux adeptes de la vérité, certes. Mais le grand nombre en lui-même n'est pas un critère décisif prouvant et établissant qui est sur la vérité ou non. Et également, donc, la personne n'est pas affectée quant au petit nombre. C'est-à-dire que des fois, certaines personnes, lorsqu'elles voient qu'il y a des adeptes de la sunna, mais ils sont peu, ils sont en minorité, ils préfèrent rester avec les innovateurs, parce qu'ils sont plus nombreux. Il est séduit par le groupe, il est séduit par l'effet de groupe. Et ceci est un grand danger. Ô combien de gens se sont égarés par rapport à cette notion-là. Donc c'est une notion qui est impérative à maîtriser. Ensuite, Cheikh al-Islam, rahimahullah, après avoir mentionné ces quatre points, il a prouvé donc ces quatre points, c'est-à-dire la connaissance, la mise en application, la da'wa et la patience dans cet appel. Il a prouvé cela avec le verset de Surat al-Asr. Et donc, parmi les points que l'on tire de ce passage-là, le fait que, premièrement, on avait tiré comme enseignement que Cheikh Ubayd al-Jabri avait expliqué que les créatures ne jurent que par Allah. Ça, c'est ce que Cheikh Ubayd al-Jabri et autres que lui ont expliqué dans leur livre. On ne jure que par Allah. Mais dans Surat al-Asr, Allah jure par une de ses créatures. Les créatures ne peuvent jurer que par Allah et Allah jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Et le fait qu'Allah, ça c'est un deuxième point, le fait qu'Allah jure par ce qu'il veut, et que lorsqu'Allah jure par une de ses créatures, ceci montre quelque chose d'important quant à cette créature. C'est-à-dire son importance ou sa haute place. Non. Concernant cette créature. Non. La haute place qu'occupe cette créature ou l'importance qui est liée à cette créature. Et dans le cas présent, Allah a juré par Al-Asr. Parmi les fawa'id, le troisième élément bénéfique que l'on tire de ce passage-là, le fait qu'il y avait trois lettres pour faire le serment lorsque l'on jure par Allah. C'est-à-dire qu'on dit « Wallahi » ou « Billahi » ou « Tallahi » yani « Waw Ba Ta » qui sont les trois lettres qu'on appelle « Huruf Al-Qasam » les lettres qui servent à formuler le serment. Quatrième point bénéfique dans ce passage-là, le fait qu'on en avait vu qu'il y avait deux interprétations mentionnées par Cheikh Ubayd concernant le terme « Al-Asr » par lequel Allah a juré. Une des deux interprétations, ce serait « Al-Asr », c'est-à-dire le temps qui commence à la fin de l'heure de Dhuhr et qui finit à l'heure de Maghrib. Ce serait cette période-là par laquelle Allah a juré, en disant « Al-Asr » par Al-Asr. La deuxième interprétation que Cheikh Ubayd al-Jabri, et ce n'est pas la seule qui existe, mais ce sont les deux que Cheikh Ubayd al-Jabri a abordées dans son explication, c'était que le fait de jurer par l'Asr, ça visait le temps de façon générale, ad-dahr, c'est-à-dire le temps de façon générale. Pas forcément le temps entre telle et telle prière, mais le temps de façon générale. Et parmi les points bénéfiques que l'on avait tirés de cette partie de son explication, rahimahullah, c'est qu'il avait mentionné l'importance de la prière d'Al-Asr, qui est la prière dite médiane, Salat al-Wusta, et qu'elle avait un lien avec la vision d'Allah. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait lié l'accomplissement de deux prières à la vision d'Allah. Le fait que le musulman qui veut bénéficier de la vision d'Allah dans l'au-delà, qu'Allah me l'accorde ainsi que vous, qu'Allah me l'accorde yom al-qiyama ainsi qu'à vous, et dans le paradis, yani à moi ainsi qu'à vous. Et donc, les deux prières en question sont la prière d'Al-Fajr et la prière d'Al-Asr. Et il y a un autre hadith concernant ces deux prières-là bien spécifiques, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: Man salla al-bardayn dakhala al-jannah. C'est-à-dire, quiconque aura prié les deux fraîcheurs entrera au paradis. Et les deux fraîcheurs font, dernier ce terme, cette expression fait référence à la prière d'Al-Fajr et la prière d'Al-Asr. Taïb. Ensuite, donc, cette sourate comporte les quatre caractéristiques de ceux qui seront sauvés. Les quatre caractéristiques de ceux qui sont sauvés. Car Allah, dans cette sourate, a juré par le temps. Par le temps, l'humanité est certes dans la perdition. Sauf, donc ça c'est une exception à ce jugement. Donc la généralité de l'humanité est vouée à sa perte et dans la perdition, à l'exception de ceux qui auront concrétisé quatre caractéristiques. Le fait d'avoir cru, le fait d'avoir œuvré pieusement, le fait de s'être enjoint mutuellement à la vérité, le fait de s'être enjoint mutuellement quant à l'endurance. Donc, ces choses-là impliquent des notions. Concernant la première notion, on avait mentionné un point important. Car la première partie de cette sourate, illalladhina amanu, il y en a sauf ceux qui ont cru, on avait vu que c'était un point concernant la science. Rappelez-vous, nous sommes toujours dans l'étude des quatre points. Al-ilm, al-amal, al-da'wa, al-sabr. En quoi la foi est une preuve pour la science? On avait vu que pour avoir la science, il faut avoir étudié d'abord. On étudie quelque chose, puis on y a foi. On y croit. Donc la science est un élément préalable à la foi. Taïb. Deuxièmement, parmi les fawaïd que Cheikh Rebel Al-Jabari avait mentionné, donc ceux qui auront accompli les œuvres pieuses, c'est-à-dire la deuxième caractéristique salvatrice, c'est le fait de concrétiser les œuvres pieuses, ce sont des œuvres qui sont accomplies avec sincérité envers Allah et conformité à la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam. Troisième élément, le fait de faire preuve de patience. Attendez. De s'enjoindre la vérité, excuse-moi, je m'étais perdu dans mes notes. Donc, de s'enjoindre mutuellement la vérité et de s'enjoindre mutuellement la patience. Et la patience, elle était de trois. Cheikh Obed Adjaber avait dit que la patience était de trois catégories. Ça, c'est un élément important. La patience sur l'obéissance d'Allah, c'est-à-dire le fait de s'acquitter constamment des obligations de l'islam et d'obéir à Allah constamment. Deuxièmement, la patience face à la désobéissance, c'est-à-dire le fait de s'écarter, de se prémunir, de tomber dans les actes de désobéissance. Et troisièmement, la patience concernant ce qu'Allah a prédestiné parmi les choses qu'Allah nous a prédestinées et qui sont parfois difficiles à supporter. Non. Ensuite, suite à la mention de cette preuve-là, l'imam Mohammed al-Tamimi avait mentionné la parole de l'imam al-Shafi'i, dans laquelle il avait commenté cette sourate, c'est-à-dire sourate al-Asr, en disant dans sa parole, que si Allah n'avait révélé qu'à ces créatures que cette sourate-là, elle aurait été suffisante. Et concernant la compréhension de ce propos de l'imam Shafi'i, rahimahullah, on avait vu que Cheikh Obeid Al-Jabari avait dit qu'il n'avait pas trouvé meilleure parole dans ce sujet-là que la parole de Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymeen, que c'était une excellente parole. Non. C'est-à-dire que c'était une excellente parole. Et Cheikh Al-Uthaymeen avait dit que cette parole de l'imam Shafi'i, concernant la parole d'Allah dans Sourate Al-Asr, c'est-à-dire que cette parole vise, la parole de l'imam Shafi'i vise que le fait que cette sourate, Sourate Al-Asr, est suffisante quant à l'incitation vis-à-vis du fait de se cramponner à la religion d'Allah par la foi, l'œuvre pieuse, l'appel à Allah et la patience dans cela. Ensuite, concernant la parole de l'imam Al-Bukhari, le fait que l'imam Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, avait dit, yani, et dans son sahih chapitre, la science précède la parole et l'action. Et il avait mentionné le dalil. Il avait mentionné son dalil, rahimahullah, qui était le verset de Sourate Mohammed, dont le sens en français est Et sache qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah et implore le pardon quant à ton péché. Al-Ayah. Donc, dans ce passage-là de son explication, Cheikh Ubaid al-Jabari avait mentionné trois types de prédicateurs. Il y a premièrement les gens qui font la prédication, qui se livrent à l'appel à Allah avec science. Ce sont des gens qui ont la basira. Et ce sont ceux qui sont des gens qui ont concrétisé le sens du verset de Sourate Yusuf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon le sens du verset en français, dit, c'est-à-dire dit, ô Mohammed, ceci est ma voix, j'appelle à Allah avec science, moi ainsi que ceux qui me suivent. Al-Ayah. Et j'ai mentionné que la traduction d'une partie du verset. Taïb. Et à la base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce verset-là, yani, plutôt ce qu'Allah azzajal a dit dans ce verset-là, c'est Al-Basira, ala basiratin. Na. Et Al-Basira, le sens de ce terme-là, Basira, dans ce verset-là, l'imam At-Tabari dans son tafsir avait dit c'était Al-Ilm. Et on avait mentionné que Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, dans son discussion de Kitab al-Tawhid, dans Qawl al-Mufid, avait dit, rahimahullah, que ceci désignait la connaissance que la personne a de l'islam, la connaissance des modalités du prêche, et troisièmement, la connaissance quant à la situation de celui à qui on adresse ce prêche. C'est-à-dire, hal al-mad'u. Ensuite, concernant la partie du verset, fa'alam anahu la ilaha illallah, et sache qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Cheikh Saadi avait fait une citation d'un passage du tafsir de Cheikh Saadi, dans lequel le Cheikh Saadi, rahimahullah, le grand savant du tafsir, avait mentionné 8 causes qui permettaient de savoir que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. On les avait vues et on va les mentionner de façon concise. Premièrement, c'est la méditation concernant ses noms et ses attributs ainsi que ses actes. Parmi les 8 causes qui permettent de savoir que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, la méditation quant à ses noms, ses attributs ainsi que ses actes. Deuxièmement, on avait vu que parmi ces causes-là, il y avait la connaissance du fait qu'Allah est le seul créateur et le seul à avoir la gérance de sa création. Ensuite, troisièmement, la connaissance du fait qu'il est le seul à accorder les bienfaits, c'est-à-dire les bienfaits aussi bien apparents que caché, aussi bien d'ordre religieux que d'ordre mondain. Quatrième cause, la connaissance de la récompense et du secours accordé à ses alliés, c'est-à-dire ses pieux serviteurs, et du châtiment qui atteignit ses ennemis, qu'Allah nous en préserve. Cinquièmement, parmi les causes qui permettent de savoir que nulle divinité ne mérite d'être adorée, si ce n'est Allah, le fait d'avoir la connaissance des déficiences des idoles, c'est-à-dire que les idoles qui sont idolâtrées et qui sont adorants d'Allah, ne sont incapables, sont des idoles déficientes, incapables de produire un quelconque bien ou d'accomplir un quelconque mal à l'égard de ceux qui leur vouent des actes de dévotion. Sixième point, l'unanimité des livres révélés concernant ce sujet. C'est-à-dire que l'ensemble des livres qu'Allah a révélés sont unanimes quant au fait que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Septième cause, l'unanimité de l'élite de la création, c'est-à-dire les prophètes et les messagers et les savants pédagogues, sont unanimes sur le fait que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Huitièmement, les signes présents dans la création et au sein des créatures. C'est-à-dire au sein de la création, les signes yani cosmiques dans ce qui est observable par l'être humain, et les signes au sein des créatures en elles-mêmes, comme l'être humain, sont des signes qui nous pousse, yani qui nous permettent d'obtenir la connaissance que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Taïb. Ensuite, concernant la partie du verset Wastaghfir li dhanbik, c'est-à-dire que le verset de Sourate Mohammed que l'imam al-Bukhari rahimahullah avait mentionné, c'était un verset dans lequel il y avait l'ordre de savoir qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Cette partie-là, on vient de l'aborder. Mais après, dans la suite, il est dit Wastaghfir li dhanbik, et implore le pardon quant à ton péché. Cheikh Ubaid al-Jabari avait mentionné qu'à ce sujet-là, il y avait, et il en a parlé à ce moment-là du livre, et un autre passage du livre, et on va résumer la mas'ala concernant ce sujet-là, c'est concernant les différentes positions qui ont été émises vis-à-vis de ce qu'on appelle le fasiq al-milli, c'est-à-dire concernant le grand pécheur parmi les adeptes de la foi, c'est-à-dire parmi les musulmans. Les gens de la Sunna ont comme croyance que le musulman qui se rend coupable d'un grand péché, parmi les grands péchés, tant qu'il ne le déclare pas et ne le considère pas comme étant licite, et qu'il reconnaît donc son péché, qu'il ne conteste pas le jugement divin concernant ce péché, que cette personne-là est ce qu'on appelle fasiqun bi kabirati, mu'minun bi imani. C'est-à-dire qu'il est mu'minun bi imani, il est considéré comme étant toujours du nombre de ceux qui ont la foi. De par la foi qu'il a, il est considéré comme étant croyant. Mais il est décrit comme étant fasiq, c'est-à-dire comme étant un grand pécheur, un dévoyé, de par le grand péché dont il s'est rendu coupable. Et il est donc ce qu'on appelle un mu'min à la fois déficiente, c'est-à-dire un croyant toujours, mais à la fois déficiente. Il n'est pas décrit comme étant quelqu'un qui a la foi complète, parfaite, parachevée, menée à sa complétion et à sa perfection. Car le fait d'avoir accompli ce grand péché affecte sa foi. Non. Et Cheikh Obed Adjabele a fait allusion à deux groupes sectaires qui se sont égarés dans ce sujet-là. Ce sont les Mu'tazilites et les Khawarij. Les Mu'tazilites et les Khawarij qui, tous deux, considèrent que dans l'au-delà, la personne qui meurt sans s'être repentie d'un grand péché dont il se serait rendu coupable, dont cette personne se serait rendue coupable durant sa vie, si elle meurt sans s'en être repentie, elle est dans l'enfer pour l'éternité, selon leur conception erronée, égarée et déviante. Mais après, ils ont divergé sur certains points. Non. Parmi eux, le fait que dans cette dunya, les Mu'tazilites considèrent que le musulman qui s'est rendu coupable d'un grand péché, comme boire de l'alcool ou forniquer, qu'Allah nous en préserve. Et donc, la personne qui s'en rend coupable, alors les Mu'tazilites le considèrent dans Yani fi manzila bayna manzilatayn, dans une position médiane entre deux stations. Il n'est plus du nombre des croyants, mais il n'est pas du nombre des mécréants. Il est entre les deux. Il est entre les deux. C'est une innovation qu'ils ont amenée. Tandis que les Khawarij, eux, le considèrent, c'est-à-dire le musulman qui s'était rendu coupable d'un grand péché, comme étant devenu mécréant, apostat. Donc ils divergent concernant son jugement dunyawi, c'est-à-dire concernant sa considération, la place qu'il occupe dans cette dunya, son statut. Mais quant à dans l'au-delà, les Mu'tazilites et les Khawarij sont unanimes sur le fait qu'il sera en enfer pour l'éternité. Après, ils ont une divergence encore même dans ce sujet-là. Entre guillemets, ils sont tous les deux d'accord qu'il sera en enfer pour l'éternité. Mais les Khawarij disent que celui-là sera châtié comme les Koufars, tandis que les Mu'tazilites prétendent qu'il aura un châtiment plus léger que celui des Koufars. Non. Et ça, cette faïda distinctive est une faïda que je tire de notre cher Khaled Adhafiri dans son discussion de la Ha'iyad ibn Abi Daoud al-Sijistani. Ou des quatre règles. J'ai une hésitation. Taïeb. Donc là, on a abordé le premier paragraphe, on a révisé l'essentiel de ce qui était à retenir concernant le premier paragraphe, qui tournait autour de quatre points, la science, la mise en application, le prêche, la patience. Puis il y avait la preuve du Coran, Sourate al-Asr, puis la parole de l'imam Shafi'i, puis la parole de l'imam al-Bukhari. Passons à présent au deuxième paragraphe, que l'on va essayer de réviser de façon concise, bi'idhnillah. Et cette révision, on la poursuivra et on la terminera dans la semaine prochaine, lundi prochain. On finira cette révision ensuite. Et on commencera la nouvelle matière, c'est-à-dire à proprement parler, du nouveau contenu, Inch'Allah. Mais là, nous allons poursuivre dans la révision et nous allons aborder donc le deuxième paragraphe. Retenez, le premier paragraphe abordait quatre points. Le deuxième paragraphe de la Muqaddimah aborde trois points. Le premier concernant le suivi du messager, le deuxième concernant l'unicité d'Allah dans son adoration, le troisième concernant l'alliance et le désaveu. Taïb. Donc, dans le premier point concernant le suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce passage-là du livre, Cheikh Obeid Adjabele avait abordé le statut du messager, ou plutôt sa définition. Qu'est-ce que la définition du messager? Sachez que, parmi les termes qui sont importants de connaître, c'est le terme « rasoul » et le terme « al-nabi ». Donc « al-rasoul » et « al-nabi ». « Al-rasoul » est un terme qui désigne le messager. « Al-nabi » est un terme qui désigne le prophète. Là, Cheikh Obeid Adjabele définit le cas, yani le terme messager. Sachez que, comme les ulémas l'ont expliqué, parmi eux Cheikh Najmi, il y a eu 124 000 prophètes dans l'histoire de l'humanité. Tandis qu'il y en a eu 313 ou 315, les deux chiffres ont été rapportés dans des hadiths que certains ulémas ont authentifiés. Donc, il y en a eu messagers. Donc, 313 ou 315 messagers. Donc, retenez un point important à ce sujet-là. Tout prophète est un. Il y en a tout messager est un prophète, mais tout prophète n'est pas forcément un messager. Donc, concernant la définition du messager, Cheikh Obeid Al-Jabri avait expliqué que dans les stellars, c'est-à-dire en tant que terme technique religieux, le messager c'était un être humain auquel Allah a fait une révélation, il lui a fait révélation d'une législation et il lui a ordonné de la transmettre. C'est un être humain auquel Allah a fait révélation d'une législation et qui lui a ordonné de la transmettre. Ensuite, il avait donné des fonctions principales et primordiales du prophète. C'est le fait, premièrement, d'être un témoin sur son peuple. C'est un témoin qui sera en leur faveur s'ils ont obéi, ou en leur défaveur s'ils ont désobéi. Donc c'est un témoin sur eux. Parmi les principales préoccupations et occupations du prophète, c'est le fait d'être, deuxièmement, un annonciateur et un avertisseur. Un annonciateur de la bonne nouvelle, yani la bonne annonce du paradis pour ceux qui seront obéissants envers Allah, mais également avertisseur d'une menace, yani d'une menace de l'enfer, qu'Allah m'en préserve ainsi que vous, vis-à-vis des désobéissants. Troisièmement, parmi les fonctions qu'occupent les prophètes, c'est le fait de juger entre les gens, c'est-à-dire de juger entre les gens quant à leurs conflits et leurs différents litiges. Quatrièmement, le fait d'enseigner aux gens la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Ensuite, le second point. Concernant le second point de ce paragraphe, qui est, comme je vous l'ai dit, focalisé sur trois points, le fait d'unifier Allah Azza dans l'adoration. Parmi les points importants que nous avions vus, donc, c'est le fait que Allah n'agrée pas qu'on lui donne un quelconque associé, que ce soit un prophète envoyé ou un ange rapproché. Et donc, Cheikh Ubaid al-Jabir a quelque peu développé cela en montrant que ceci a été la voie commune à chacun des prophètes et des messagers. C'est-à-dire que les messagers, alayhimus salam, avaient le même dogme et ont appelé tous au tawhid. Et il a mentionné le verset dans le Coran al-Karim, dont le sens en français est le suivant: et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager leur disant adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Non. Ensuite, donc le message des messagers était le même de Nuh à Mohammed. Et là, nous avions attiré l'attention vis-à-vis du fait que Adam est le premier des prophètes, mais que Nuh alayhi salam, est le premier des messagers. Et le dernier des prophètes et des messagers est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Parmi les éléments importants, c'est concernant les anges. Ce que le cheikh à l'islam, Mohammed al-Tamimi, avait dit: c'est-à-dire qu'on ne doit pas donner d'associé à Allah azawajal, que ce soit un prophète envoyé, en lui donnant des associés et en adorant un prophète envoyé, ou un ange rapproché. Parmi la faïda que contient ce passage, comme l'ont mentionné certains gens de science, c'est que si Allah n'agrée pas et n'accepte pas qu'on lui donne des associés avec le fait de lui donner un associé dans l'adoration parmi les anges ou parmi les prophètes, qui sont parmi les plus nobles, qui sont les plus nobles des créatures d'Allah. Donc le fait de le faire avec des créatures en deçà de ces deux créatures est donc est plus en droit d'être considéré comme étant interdit. Non. Et donc concernant les anges, Cheikh Ubaid al-Jabir avait mentionné certains points bénéfiques concernant le fait que ce sont des créatures qui sont honorées par Allah, deuxièmement qui sont créées de lumière, troisièmement qu'ils sont incapables de désobéir à Allah, et quatrièmement c'est qu'ils sont proches d'Allah dans le sens de la station et dans le sens du statut. Ils sont proches d'Allah de par leur statut, et ils sont proches d'Allah yani de par leur station, c'est-à-dire yani, ils sont rapprochés d'Allah physiquement. Et les êtres humains, quant à eux, furent créés de terre et sont en mesure de désobéir à Allah. Ensuite, Cheikh Ubaid al-Jabri a abordé la divergence des ulémas sur la définition du prophète. Il avait abordé la définition du prophète et il avait clarifié ici que la définition qui était correcte, donc faisant donc allusion ici à une divergence, l'avis correct selon Cheikh Ubaid al-Jabri était de considérer que le prophète, c'était un être humain auquel Allah a fait révélation d'une législation et lui a ordonné de la transmettre, ou alors qui fut envoyé afin de revivifier les enseignements d'une législation révélée précédemment. Non. Ensuite, concernant le verset de ce point, le verset qui a été mentionné, yani, et les mosquées n'appartiennent qu'à Allah, n'y invoquez donc personne avec Allah. Le mot masajid, on avait vu comme faïda que le mot masajid est le pluriel de masjidun, qui avait, yani pour origine, en fait, qui est dérivé du terme sujoud, c'est-à-dire le terme prosternation. Car comme on l'avait vu, les gens de science ont expliqué, rahimahumullah, que les positions dans la salah sont de quatre. C'est-à-dire que les positions dans la salah sont de quatre. La première étant al-qiyam, c'est-à-dire le fait de se tenir debout. Ensuite, al-ruku', le fait d'accomplir l'inclinaison. Troisièmement, al-sujud, la prosternation. Et la quatrième position que l'on peut avoir dans la prière, c'est al-jalsa, comme par exemple al-jalsa lit-tashahhud, ou al-jalsa bayna sajdatayn. Donc la position assise que l'on a pour le tashahhud, ou la position assise entre les deux prosternations. Et donc, on avait vu que les ulémas avaient dit que la plus noble de ces positions, c'est celle du sujoud. Car pour un être humain, c'est un rabaissement de sa personne de mettre son visage par terre. Mais lorsqu'il le fait pour Allah, ceci est un anoblissement. Car il se rapproche d'Allah Azzajal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que la position dans laquelle le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. Donc dans ce contexte-là, c'est un anoblissement, c'est une forme d'anoblissement et de rapprochement envers Allah Azzajal pour le serviteur qui accomplit cela pour Allah. Par contre, c'est hideux s'il viendra à le faire pour une créature. Ensuite, parmi les éléments bénéfiques que Cheikh Obed Adjaber avait mentionnés, et comme je le réitère, pour ceux qui découvrent notre série sur les trois fondements, je résume, je fais une révision. C'est-à-dire que dans les cours précédents, si vous consultez les audios qui sont présents sur la chaîne Telegram du collectif pour le savoir la miséricorde, vous retrouverez les audios là dans lesquels il y a des détails, des adillah et des fawaïd supplémentaires. Là, je fais juste un récapitulatif afin de se remettre dans le bain pour ensuite, la semaine prochaine, Inch'Allah, reprendre dans la nouvelle matière et les nouvelles notions. Ensuite, parmi les points bénéfiques que je vais clôturer notre assise sur ceci, c'est que Cheikh Obeid Adjaberi avait expliqué le shirk. Il avait expliqué dans la lora et dans l'istilah. Car comme vous le savez, barakallahu fikum, les notions dans la langue arabe sont de trois, comme Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, l'avait mentionné dans son livre Usulun fit Tafsir. Il avait mentionné, rahmatullah alayh, que le shirk. Pardon, que le mot dans le terme dans la langue arabe peut avoir premièrement la connotation linguistique, deuxièmement une connotation dans le contexte religieux, et troisième possibilité, une connotation dans l'usage commun chez les gens, c'est-à-dire que le sens que lui attribuent les gens dans l'usage moderne, dans l'usage contemporain. Et donc, Cheikh Obeid Adjaberi avait expliqué que le shirk dans la lora, c'était at-taswiya, c'est-à-dire le fait d'établir une équivalence entre deux choses, par exemple. Et dans le contexte religieux, c'est-à-dire c'est le fait de donner un égal à Allah. Non. Pour la faïda, notre cheikh Khalid Adhafiri, hafidhahullah ta'ala, avait expliqué que le shirk, c'était le fait de donner un égal à Allah dans quelque chose qui lui est spécifique ou dans ce qui est un de ses droits. Ce qui lui est spécifique, par exemple, comme le shirk dans les attributs d'Allah. Les ulémas ont expliqué que le fait d'attribuer un attribut divin à une créature, c'est une forme de shirk. Mathalan. Ou dans un de ses droits, c'est-à-dire il y en a dans son droit, par exemple, le fait que l'adoration exclusive est un des droits d'Allah. Non. Et pour la faïda, Cheikhona Cheikh Khaled Adhafiri avait donné dans un de ses cours, dans plusieurs de ses cours d'ailleurs, une définition du shirk asghar, du shirk mineur, qui était la définition qu'il a considérée comme étant la meilleure, et c'est la définition que l'on retrouve dans Al-Qawl al-Sadid, qui est l'explication de Kitab al-Tawhid de Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di, rahimahullah. Qui est le shirk, que le shirk mineur est toute voie menant au shirk majeur. Non. Et avec ceci, on a terminé notre révision partielle de certains points essentiels qu'on avait abordés dans nos audios précédents. Excusez-moi. Donc, certains points essentiels qu'on avait abordés, barakallahu fikum. Et donc, on poursuivra dans l'assise de la semaine prochaine, inshallah. Dans la révision et ensuite en abordant de la nouvelle matière. Et mercredi, Inch'Allah, nous aurons une assise de révision dans laquelle on va reprendre l'essentiel de ce que Cheikh Obeid Adjaberi, rahimahullah, avait mentionné dans son explication de Kitab al-Tahara de Umdat al-Fiqh d'Ibn Qudama al-Maqdisi. Donc je vous invite à être présent avec nous à 21h30 mercredi pour la révision que nous ferons concernant les notions de Cheikh Obeid Adjaberi. Et si l'un d'entre vous a une question, parmi ceux qui nous suivent sur la radio, alors n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, Inch'Allah, concernant ce qui a été mentionné dans le cours qui n'est pas clair ou qui est confus, afin qu'on apporte clarification soit dans l'assise d'aujourd'hui ou dans l'assise de la semaine prochaine. Bi'idhnillahi azza wa jal. Hadha wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka.